lorsque tu n'auras plus pour te reposer que mes bras et puis mon épaule. Trois mots de moi t'attendront, simplement ces trois mots.